Ok. Tu sais, les mecs font les costauds, les muscles, les machos, les honnêtes sans cœur, mais toi-même tu sais, la vérité est ailleurs. Je ne fais que la compter, tu ne vois pas leurs pleurs. Car les gars se cachent pour pleurer, ils se cachent pour pleurer, mais deviennent fous en silence. Sous à outrance c'est tout ça, sous l'apparence d'un sourire vague de blague. D'autres manigances s'écartent ta méfiance. Salut bébé, tu danses, ils font style, ça va aller, mais faut c'est leur assurance. Depuis l'enfance, ils vivent dans l'ignorance, comparent leur cœur et leurs finances, mais ça n'a aucun sens. Moi je rappe pour pas devenir fou en silence. Thank you.

Thank you.

de sociabilité. Je me vois éclater à coups de batte des gens qui ne m'ont rien fait. Je me vois les sabres. Et ça fait longtemps que ça dure au collège. Mon prof de maths, je me voyais au fond des ordures. Ma violence est interne et ça vaut mieux pour tes dents. Fais gaffe quand même, mes phases ont déjà cassé des tympans. Essaye de me berner et je te montrerai mon talent. Tes oreilles sont cernées. T'entends déjà le son qui détend comme mes babyface. Je me suis déguisé en trompe et t'as croisé un type sympa. Maintenant ta famille est en deuil en mode combat. Quand ton titi m'a rendu, ne me pousse pas. Quand je t'enterre sous une tue, le temps m'a rendu intolérable. À force de passer, il a repassé mes sentiments. Lessivé, d'esquiver tout le temps. Et c'est ce qui fait que c'est l'heure de l'affrontement. Marchant de sourire, on a fait péter ma boutique. Le temps de reconstruire, petit changement de ma zone. Quel temps, c'est du sang qui compte de mon lutte et ton temps. Tu peux tester mon combat. Thank you. Wow.